Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour partager les 60 minutes à venir sur notre antenne. J'espère que vous allez bien et que vous vous rappelez de ce qu'on a évoqué la semaine dernière. Il s'agissait du premier volet de l'émission consacrée à Michel Polnareff. On s'était arrêté aux alentours de 1973, on va reprendre l'histoire à cette période-là. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est de la radio, comme il le chantait si bien. Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Voilà qui pourrait faire un indicatif sympa, un générique sympa d'émission. Alors rappelez-vous, on s'était arrêté donc à l'année 1973, difficile pour notre artiste puisque il devait une somme colossale aux impôts, il était totalement ruiné et il a dû s'exiler aux États-Unis. Donc à son arrivée dans ce pays, Polnareff passe 3 mois à New York, puis il s'installe ensuite à Los Angeles et signe sous le label Atlantique qui sortira son premier disque français. En 1974, il reçoit l'hommage du groupe Il était une fois avec Polnareff, puisque Serge Coulen et Richard De Witte avaient été musiciens du chanteur. En 1975, le cinquième album Fame à la mode sort entièrement en anglais. Sur ce disque jouent les prestigieux musiciens de Clapton et des ex-Beatles, des références. Le morceau Jésus for Tonight est le premier titre de Polnareff, compositeur français, à entrer dans le Billboard Magazine. Polnareff part ensuite pour une très grande tournée au Japon, puis un grand concert au Forest National à Bruxelles, ne pouvant remettre les pieds sur le sol français à cause cause de ses ennuis justement avec le fisc que l'on vient d'évoquer. En 1977, il compose « Lettre à France » sur un texte de Jean-Loup Dabadie qui exprime sa nostalgie de la France. Néanmoins, il s'est attaché au confort de la vie californienne, il fait du sport et il se passionne pour l'informatique. On va écouter un extrait de cette album produit aux États-Unis, Fame à la mode, et puis le groupe Il était une fois lui avait rendu hommage, lui avait demandé en quelque sorte de revenir, et bien ce sera l'occasion de les écouter dans Pomme, Michel Polnareff. When you have the show, then you know the show must go on. Heating the road, salaries owed. I'm responsible for shoveling the load. When you have the show, then you know the show must go on. Play a closet queen wearing crushed velveteen. Caffeine had too much nicotine. Someone slow down the machine. I'm longing for space, longing for time. Interconnexion super sympa. Vous voyez, la semaine dernière, on a écouté Yves Montand, on a écouté Led Zeppelin. Cette semaine, on peut écouter Il était une fois, tout ça en corrélation avec le coup de cœur de Michel Polnareff. Alors, on se retrouve en 1978, année durant laquelle il revient en France après 5 ans d'absence pour son procès, et à l'issue duquel il reste redevable de plus d'1 million de francs au fisc. Il en profite pour sortir Coucou me revoilou, mais le succès est mitigé. En 1981, cette fois-ci, il revient avec l'album Bulle, qui se vend à plus de 800 000 exemplaires avec les tubes Tam Tam et Radio, qu'on écoutait justement en début d'émission. Ce disque avec synthétiseur et boîte à rythme au son très californien a été enregistré de nuit avec Hans Zimmer à Londres. En novembre 81, il enregistre le spectacle Téléshow 82 uniquement pour la télévision, diffusé le soir du 31 décembre, où il interprète les titres de Bulle, son nouvel album, et quelques incontournables de son répertoire. Je vous propose une petite pause avec Barbara Streisand. Quand on peut l'écouter, on ne se gêne pas, ça nous fait un grand plaisir. Je pense que le plaisir est partagé. Woman in Love, Barbara Streisand. I stumble and fall, but I give you it all. Une information importante pour vous qui êtes fidèles auditeurs de Coup de cœur sur Fadjet, un projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est de vous proposer un genre de top coup de cœur, un genre de hit parade des titres actuels que l'on aime partager et qui ne nous permettent pas l'émission, le concept de l'émission fait qu'on a beaucoup de choses à dire sur les artistes que l'on met en lumière et beaucoup de titres à passer également par rapport à leur carrière et on ne peut pas écouter, réécouter les titres du moment que l'on aime bien. Donc, en projet, peut-être la semaine prochaine, peut-être un peu plus tard, un classement des tops actuels, mais pas les tops que l'on entend sur les radios habituelles, les tops que l'on aime partager, des nouveautés que l'on n'entend pas souvent et que l'on n'entend pas assez à notre gré. Allez, je vous en reparlerai. On revient à notre coup de cœur du jour. Il s'agit de Michel Polnareff, qui repart aux États-Unis vers 1982 et fait différents voyages, notamment au Gabon. En 84, il signe la bande originale de La Vengeance du Serpent à Plumes, film de Gérard Houry. L'année suivante, il revient avec Incognito. Qui ne connaît pas le succès du précédent album, malgré les titres « Viens te faire chahuter » et son clip qui, pour la première fois en France, coûte 1 million de francs. Cet opus contenait également « La Belle veut sa revanche ». Le son est encore une fois très électronique, utilisant notamment des samplers et des séquenceurs. Hein. Durant cette période, Michel Polnareff réside épisodiquement en France, seulement épisodiquement. On va écouter justement La Belle veut sa revanche et puis un intermède instrumental avec la poursuite du Serpent à plumes. C'est la bande originale du film, bien sûr. Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Rythme endiablé pour cette bande originale du film, comme celle de la semaine dernière qu'on avait écoutée, c'était La Folie des Grandeurs, également composée par Michel Polnareff. Alors, de 1985 à 1987, il s'installe à l'hôtel Le Manoir de Chaubuisson à Fontenay-Trésigny, en région parisienne, et compose Goodbye Marilou, qui devient immédiatement un tube à sa sortie. À partir de septembre 1989, il réside durant 800 jours à l'hôtel Royal Monceau, où il commence l'enregistrement de l'album Kamasutra avec l'aide de Ben Rogan à la production et de Michael Field à la guitare. Le disque sort en février 1990 et reçoit un double disque d'or, c'est-à-dire plus de 200 000 ventes. Michel Polnareff va mal à cette époque, atteint d'une cataracte aux deux yeux. Il devient presque aveugle, ne voyant plus qu'un peu de lumière. Il fait part de sa quasi-cécité à son entourage, noie sa peur dans la vodka et ne sort plus du Royal Monceau. On finit par comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'il peut s'y déplacer plus facilement, connaissant l'endroit par cœur. Méconnaissable, grossi, il porte une longue barbe brune, sa couleur naturelle en fait. De 1992 à 1994, Polnareff réside discrètement en France à différents endroits, sans apparition publique, avec des périodes de studio dont les enregistrements restent inédits. Après de longs mois d'hésitation, il est opéré d'une double cataracte et suit une hypnothérapie pour accompagner la convalescence. Il recouvre enfin la vue. On va écouter ce Goodbye Marilou qui était un grand succès. Et j'ai cité Mike Oldfield et sa guitare. Rappelez-vous de son grand succès Moonlight Shadow. On va l'écouter juste après. S'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sont voix qu'on se dit avec les doigts. j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra au pour un rendez-vous. Message électrique, quand elle m'électronique, je reçois sur mon écran tout son roman. Approchant multi et je la tire en duo. Après ok, elle me code ma vélo. Son nom sur mon écran, je me tape Marie-Lou sur mon clavier. Quand elle se déshabille, je lui mets avec les doigts message reçu au code Marie-Lou. De la musique, des voix, des passions. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Allez, on revient à notre coup de cœur. Michel Polnareff, en 1995, il prépare au Peninsula Hotel à Los Angeles son retour sur scène et en septembre 1995, il se produit sur le Sunset Boulevard dans la salle du Roxy. Il s'entoure de grands musiciens, Dick Smith, guitariste de Earth, Wind & Fire notamment, également d'Aretha Franklin, Alex Acuna, percussionniste de Weather Report, d'Elvis Presley et de Michael Jackson. Le disque Live at the Roxy sort en 1996 et marque les esprits par la richesse des réorchestrations. Il oscille entre rock, funk, country et même reggae. L'album reste numéro 1 pendant 5 semaines et est certifié disque de platine, c'est-à-dire 300 000 exemplaires pour l'année de sortie. On va écouter un extrait live, La Mouche, de ce nouvel album de l'époque, et puis ce sera Earth, Wind & Fire dans September. Sur sa bouche, elle était nue, on aurait cru le paradis tant elle était jolie. Je suis une mouche posée là sur sa bouche. Je n'avais Dieu que pour elle, mais elle voulait que je me tire à tire d'elle. Sur ses lèvres, moi j'avais décidé de ne plus jamais m'envoler. Sur ses lèvres, moi j'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. Et que fait donc cette mouche posée là sur ma bouche? Elle au peintre qui lui dit comme c'est joli. Le roi mouche dessiné sur ta bouche. Et moi j'aurais tout donné, oui tout donné, pour pouvoir l'embrasser. Sur ses lèvres, moi j'avais déposé le plus de 10 que je baisais. Sur ses lèvres, moi d'une gifle elle m'a tué, croyant que je voulais la piquer. J'étais une mouche posée là sur sa bouche. Elle était née, on aurait cru le paradis quand elle était jolie. Je suis une mouche écrasée sur ta bouche. Il ne faut pas dire aux femmes qu'on les aime, sinon elles deviennent piquées. Sur ses lèvres, moi je m'étais posée pour lui dire que je l'aimais. Mais des femmes, moi je ne m'étais pas méfiée. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me sur sa bouche. Je voulais seulement l'embrasser, mais elle a cru que je voulais la piquer. Je suis dur d'être une mouche, sans doute que vous prenez la mouche. De moi il ne reste qu'un point sur un tableau, comme le ciel est loin. Sur ses lèvres, moi je m'étais posé pour lui dire que je l'aimais. Mais des femmes, moi je m'étais pas méfié. Une mouche est vraiment bête à tuer. Une mouche c'est vraiment bête à tuer. Une mouche c'est vraiment bête à tuer. Écoutez Fadjet en Lorraine sur 94.2. Thank you. vous l'avouerez, c'est impossible de pas danser sur ce titre de Earthwind and Fire, September. Alors, que s'est-il passé dans la carrière de Michel Polnareff entre 99 et 2015? Eh bien, en 99, sort le single Je rêve d'un monde, ballade gospel pacifique, qui obtient un succès mitigé. Michel annonce une nouvelle fois un album et son souhait de faire un grand concert à Paris. Mais la première moitié des années 2000 est très calme, malgré des hommages, des compilations, etc. C'est le 2 mars 2007 à Bercy que Michel Polnareff revient sur la scène française après 34 ans d'absence. Il enchaîne 25 titres, il apparaît en ombre chinoise, les lunettes suspendues font office d'écran géant, et la gigantesque arène composée de lumière et d'écran entourée de planètes et d'étoiles se découvre au fil du spectacle. Michel Polnareff est accompagné de 7 musiciens américains. The Retour 2007, l'un des grands événements musicaux de cette année-là, attire plus d'un million de spectateurs avec une 60aine de dates, sans oublier le grand concert donné le 14 juillet au Champ de Mars, devant près de 600 000 spectateurs. Et toujours en mars 2007, les Victoires de la Musique lui remettent une victoire d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. En juillet 2010 à Los Angeles, il reçoit sa Légion d'honneur des mains de l'ambassadeur de France aux États-Unis. En septembre, Michel Polnareff et sa compagne annoncent qu'ils attendent un enfant. La naissance du bébé, un garçon prénommé Luca, a lieu à Los Angeles le 28 décembre 2010. Mais, le 21 février 2011, il écrit sur sa page Facebook qu'un test ADN vient de révéler qu'il n'est pas le père du Polna bébé. En mars 2011, il perd son amie de 40 ans, celle qui a été l'amour de sa vie et son manager depuis 1972. Il s'agit d'Annie Farg. Et au printemps 2015, il dénonce la caricature faite de lui par un organisme de crédit. Vous voyez de quoi il s'agit, un petit bonhomme vert maintenant. Et le chanteur n'étant pas d'accord avec l'utilisation de son image associée à une banque, donc à des buts lucratifs. Il précise par la suite n'avoir aucune animosité envers l'acteur, le grimant, mais il ressentait de la colère que son image soit utilisée à des fins commerciales. Voilà ce qu'il en est de cette anecdote. On va écouter Holidays, et puis c'était vraiment un titre incontournable de la part de Pascal Obispo, un bel hommage. Des tonalités de voix qui sont vraiment similaires, c'est le titre enregistré en live, Fan. Sous l'ombre de son aile, une ville J'ai vécu sous des posters, à me croire le seul à connaître tout de vous. J'en ai refait des concerts, en rêvant de voir apparaître Marie-Lou. J'inventais d'être en France, en solitaire, en silence. Si je n'ai pas su l'écrire, je voulais simplement te dire que si. Hey! J'existe, j'existe, c'est d'être femme. J'existe, ma vie, c'est d'être femme. Sans répit, jour et nuit, qui peut dire je t'aime dont je suis. J'en ai connu des hôtels, en attendant un signe, un geste de ta part. J'en ai suivi des galères, pris des trains, fait des kilomètres, traînant sur un visage, derrière une vitre, un grillage, quelque chose à retenir, faire comprendre, abandonner, fuir, être bon. J'existe, j'existe, c'est d'être femme. Qui peut dire qu'il existe? Qui? Encore à toi. Allez, balance. J'existe, j'existe, c'est d'être femme. J'existe, ma vie, c'est d'être femme. Sans répit, jour et nuit. C'est le 18 décembre 2015 que Michel Polnareff dévoile son premier titre studio depuis 2006. Il s'agit de L'Homme en Rouge. Et le 30 avril 2016, il commence sa tournée à Épernay devant 5000 spectateurs. Le 7 mai, il donne à guichet fermé le premier d'une série de 4 concerts à l'Accor Hotel Arena de Paris. Toujours dans cette même année, hein, 14 juillet 2016, il donne un concert unique à guichet fermé à l'Olympia, 44 ans après la Polnar Révolution. Dans un spectacle de 2h45, il enchaîne ses plus gros succès. Le 2 décembre, alors qu'il s'apprête à se rendre à la salle Playel pour ce qui doit être l'avant-dernier concert de la tournée, il annule la représentation à la dernière minute du fait d'une grande fatigue et de vertige. Son attaché de presse dévoile que le chanteur a été victime d'une embolie pulmonaire qui engage notamment son pronostic vital. Son entourage indiquera quelques jours plus tard que l'artiste va beaucoup mieux. Dans les jours qui suivent, il y a eu une polémique entre le producteur Gilbert Coulier et Michel Polnareff. On va entendre un titre de son extrait de son dernier album qui s'appelle « Enfin » avec un point d'exclamation et qui est paru en novembre 2018. Le titre de cette chanson, c'est « Grandis pas » et juste après, je vous parle de l'actualité du chanteur. Grandis pas, n'oublie pas ce que tu sais. Grandis pas, t'es déjà ce que tu es. Chaque centimètre faire de tes pas ce danger. Restez joyeux, restez là, tout près de toi. Reste un prince, ne quitte pas ce royaume-là. Dis-moi que tu nous aimes avec tes poèmes. Attrape ma main, allons marcher dans tes dessins. Et quand tu te maintenant, c'est moi qui suis perdu. Ma main sans ta main. Grandis pas, laisse les grands seuls dans leur monde. Ne vise pas ton enfance à la fronde. Ne va pas où les songes deviennent des mensonges. Ne quitte pas ton lit. Pourquoi devient-il si petit? Garde l'âge. Quelques mots sur la vie privée de Michel Polnareff. Il a eu une aventure dans les années 70 avec Sylvia Christel, l'actrice de la série Emmanuel, et Linda Carter après son élection à Miss World USA. Il s'agit du concours de sélection de la candidate américaine participant au concours de Miss Monde. En 1972, il a rencontré Annie Farg. Il a partagé sa vie pendant une vingtaine d'années après leur séparation. Elle devient son amie et son manager jusqu'à son décès en 2011 que l'on a évoqué tout à l'heure. Depuis 2003, il vit avec Daniela, alors l'orthographe ça ne s'invente pas, D-A-N-Y-E-2-L-A-H, rencontrée à Los Angeles alors que cette dernière, étudiante en journalisme, effectue un reportage sur Jim Morrison. À la suite d'un don de sperme à l'insu de Michel Polnareff, ils sont les parents de Luca, né en décembre 2010. Et en 2011, un test ADN révèle que Michel Polnareff n'est pas le père. Il quitte alors Daniela pour quelques mois avant de revenir au domicile familial à Los Angeles et finalement adopter Luca en 2016. La presse rapporte d'ailleurs en août 2017 qu'elle aurait quitté l'artiste, mais quelques semaines plus tard, Polnareff diffuse sur les réseaux sociaux une photo de lui, Daniela et leur fils qui fait taire les rumeurs. Donc une histoire un petit peu rocambolesque. Son actualité, elle est importante puisqu'elle n'est pas commune. Cette fois, l'homme exilé du côté de Los Angeles s'affirme comme un pionnier. Son spectacle immersif au Palace, est en effet une première mondiale. The Immersive Experience, proposée à Chicago à partir du 9 juin et consacrée à Prince. Cet événement devait remporter ce titre d'innovation technique, mais voilà qu'un Français lui passe devant, Polnareff, qui se tient depuis le jeudi 2 juin dans un théâtre historique de la rue du Faubourg Montmartre. Un prénom prédestiné, puisque c'est à Montmartre que Michel Polnareff commença à chanter et gratter en public sa guitare. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'un spectacle immersif? Pour simplifier, c'est une vidéo à l'intérieur de laquelle on se trouverait projeté avec des images ou des visions qui prennent forme au gré de la musique tout autour de nous. La projection, en l'occurrence de ce spectacle, dure 42 minutes. On peut réviser et parcourir un rappel de la carrière de Michel Polnareff grâce à une dizaine de panneaux. L'artiste devrait donner des concerts en direct live de chez lui à Los Angeles. Donc ça, c'est vraiment le futur. C'est vraiment à suivre. On va se quitter dans ce coup de cœur Michel Polnareff. On va le retrouver en public dans un titre que vous connaissez tous, bien sûr. On ira tous au paradis. Béni ou qu'on soit maudit, on ira uniquement quelques secondes pour vous saluer, vous remercier de nous avoir écoutés, d'avoir partagé avec nous ce coup de cœur Michel Polnareff en deux volets. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine bien sûr. Allez, gros bisous à tous, salut !